Être confiné avec Socrate, ce n'est pas seulement explorer la fameuse caverne décrite par Platon dans la République et qui serait notre lot commun à tous, sauf aux philosophes. C'est aussi aller en prison, aux côtés de Socrate, le déconfiné par excellence, qui pourtant accepte la condamnation à mort prononcée par les juges d'Athènes pour impiété et corruption de la jeunesse. Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi décide-t-il de boire la coupe empoisonnée et de respecter des lois qui l'empêchent de philosopher ? Pour le comprendre, je vous propose ce matin de le rejoindre, en prison, au moment même où il boit la ciguë, dans une description bouleversante proposée par son ami et élève Platon. Socrate porta la coupe à ses lèvres et, tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions pour la plupart réussi à nous retenir de pleurer. Mais quand nous vîmes qu'il buvait, qu'il avait bu, impossible, ce fut plus fort que moi, je laissais moi aussi couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même. Car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. L'homme nous montrait que Socrate se refroidissait et devenait raide. Déjà, presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert, Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça, « Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligent. »« Bien sûr, fit Criton, ce sera fait. Mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. » À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Voilà, Échecrate, ce que fut la fin de notre ami. D'un homme dont nous pouvons dire que parmi tous ceux qui nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé aussi, et le plus juste. Won't somebody tell me, answer if you can, won't somebody tell me, what is the soul of a man? I'm going to ask the question. Answer if you can. If anybody here can tell me, what is the soul of a man? I've traveled in different countries. I've traveled in foreign lands. I've found nobody to tell me, what about the soul of a man? I saw a crowd stand talking. I came up right on time. Well, Harry and the liar and the doctor say a man ain't nothing but his mind. I want somebody. Bonjour Dimitri Elmure. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous depuis Strasbourg. Vous êtes philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. Vous avez beaucoup écrit sur Platon. Vous êtes spécialiste de philosophie antique. Vous avez dû passer tellement de temps et d'années avec Platon. Est-ce que ce texte, celui que l'on vient d'entendre, lu par Georges Eccles, vous émeut autant que moi, même après toutes ces années ? Ah oui, il m'émeut toujours. C'est vrai que c'est pas la première fois que je le lis, ni même que je l'entends. Mais on peut pas ne pas être ému en fait par ce texte quand on travaille sur Platon depuis longtemps ou quand on aime Platon hein, tout simplement. Il n'y a pas nécessairement besoin de travailler sur Platon pour être ému par ce texte, mais c'est quand même c'est un texte qui d'abord raconte un événement à la fois tragique et en même temps fondateur pour Platon et pour la philosophie. Quand même, puisque Platon, on est quand même l'inventeur, c'est-à-dire la mort de Socrate. Et puis, c'est aussi un texte qui, pour les spécialistes, je veux dire, il n'est pas simplement bien écrit, magnifique, etc. Il est aussi mystérieux. Et ça, c'est aussi une autre raison de la fascination qu'il continue à exercer, même quand on l'a lu 100 fois. Alors, ce texte, nommons-le, il s'appelle Le Phédon. Et c'est le dialogue qui va raconter, donc, vous l'avez entendu, les derniers jours de Socrate. Et il a une particularité. Commençons par là, ça peut paraître un détail, mais on soulèvera ensuite tous les enjeux philosophiques qu'il pose. C'est que Platon est l'auteur du dialogue, mais Platon, au moment de la mort de Socrate, n'était pas là, il était malade. Oui, c'est ce qu'il dit au tout début du texte. Alors, c'est fascinant. D'abord, juste pour mettre un petit peu en perspective, Platon se cite 3 fois dans tous les dialogues. On voit son nom apparaître 3 fois dans l'ensemble des dialogues. Une fois dans le Phédon, c'est le passage auquel vous faisiez allusion, et puis 2 fois dans l'Apologie. Donc voilà, Platon est évidemment l'auteur des dialogues, mais c'est aussi le grand absent. Donc les marques explicites de sa présence sont particulièrement fortes, puisqu'il est tellement absent, et il a tellement mis en scène son absence, que quand il dit qu'il était absent, et que donc son nom apparaît même pour dire une absence, il en devient extrêmement présent. Là où c'est évidemment particulièrement frappant dans le cas que vous mentionnez, c'est que ça veut dire que Platon n'était pas présent à la mort de Socrate, c'est-à-dire de son maître, et sans doute une des personnes qu'il a le plus aimé et qui a changé sa vie. Donc c'est une absence effectivement très frappante et très présente, et la raison de son absence est aussi extrêmement mystérieuse, puisqu'il était malade. Enfin, pour être plus précis, je crois que vous l'avez dit, hein, le texte dit Platon, je crois. Voilà. Était malade. En grec, c'est oimai, c'est-à-dire c'est Platon qui, visiblement, n'a pas l'air d'être sûr qu'il était malade, ce qui est évidemment une manière de jeter un doute et un mystère autour de cette mention. Oui, mais c'est génial parce que ça montre qu'on peut tout à fait lire ce dialogue comme une espèce de roman policier, un roman à clé. On essaie de comprendre qui est là, qui n'est pas là et pourquoi on en arrive là. Alors, surtout, pourquoi commencer par la fin, Dimitri Elmure, aujourd'hui ? Parce que ça permet de poser d'emblée la question du rapport de Platon au corps et à la vie. Le Socrate que l'on vient d'entendre semble boire la coupe empoisonnée avec toute la sérénité du monde. Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu le philosophe qu'il appelle de ses voeux, à savoir quelqu'un qui sereinement peut congédier la vie corporelle pour s'élever dans la vie céleste qui est celle de l'âme ? Mais je pense que oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit très bien dans le texte qui a été magnifiquement lu par Georges Clerc, donc les derniers mots du Phédon, les dernières lignes du Phédon, que non seulement il va vers la mort sereinement, mais que surtout, il console ses disciples de sa propre mort. Et donc le passage dit, Phédon, qui raconte donc l'action, dit qu'il pleurait sur lui-même à la mort de Socrate. Et ça dit bien effectivement tout cet enjeu sous-jacent du Phédon, qui est que le Phédon est une consolation. C'est peut-être même la première consolation de la philosophie. Cette fin nous montre bien que effectivement le Phédon, avant tout, c'est l'exercice par Socrate que fait Socrate pour consoler ses disciples de sa propre mort. Alors, l'autre problème auquel vous faisiez allusion, c'est effectivement le rapport au corps et à la mort du corps. C'est un problème extrêmement compliqué parce que, au fond, il revient à se demander ce que veut dire Socrate quand il dit à la toute fin qu'il faut que Criton paye sa dette envers Esculape parce qu'il lui doit un copque. Alors ça c'est quelque chose aussi que je ne sais pas si qui doit frapper un peu les auditeurs et les lecteurs et qui se demandent pourquoi les derniers mots de Socrate, derniers mots qui sont censés quand même être importants et particulièrement signifiants, pourquoi Socrate meurt en parlant d'un coq à Esculape. Et ça engage justement la question que vous souleviez. Alors pourquoi rapport, au fond alors. Bon, j'espère que vous avez la réponse, parce que ça fait des années que tout le monde se pose la question quand même. J'ai des éléments de réponse, mais je vais juste, il y a eu tellement de réponses que c'est pas évident d'être synthétique. Grosso modo, pour être un peu clair, l'interprétation de ces derniers mots, on peut grosso modo ranger les options en 2 grandes catégories. Pardon d'être un peu schématique. La première, c'est qu'on peut en donner une interprétation allégorique. Et ça va revenir à ce que vous disiez, à savoir, au fond, Socrate remercie Asclépios, donc le dieu de la médecine, de le guérir de la vie vie qui est donc une maladie, dont le remède est la mort. Mmh. Il y a plein de sous-interprétations qui dépendent de cette interprétation, mais peu importe. Ça, c'est la première grande manière de la lire. Et puis, il y a une deuxième manière de la lire, plus minoritaire, mais que moi, je trouve plus séduisante, qui est une interprétation plus internaliste. Et elle va, elle, revenir à la question que vous me posiez juste avant. C'est que ce don, au fond, à Asclépios, que mentionne Socrate, exprime la gratitude de Socrate, non pas pour sa propre mort, hein, mais pour la guérison de quelqu'un d'autre. Parce que Esculape, Asclépios, c'est la même personne, c'est le dieu de la médecine. Oui. Enfin, c'est un médecin. Oui, voilà, c'est le dieu de la médecine et des médecins. Mm. Donc, dans la deuxième interprétation, si vous voulez, le don à Esculape, c'est pas fait pour remercier Esculape de bientôt le guérir de la vie par la mort, mm-hmm. mais c'est fait pour le remercier d'avoir déjà guéri quelqu'un. Alors évidemment, vous allez me dire, mais de qui il parle dans ce cas-là? Et c'est là où ça revient à la première question que vous me posiez, c'est que selon certaines interprétations que je trouve extrêmement séduisantes, en fait, Socrate remercierait ici Esculape de la guérison de Platon, c'est-à-dire le fameux malade auquel il est fait allusion au tout début du Phédon et dont nous parlions précédemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce texte, on est d'emblée dans une espèce de confinement, certes en prison, mais qui aussi demande peut-être pas l'avis des médecins, mais un recours aux médecins pour essayer de remercier, d'en appeler à une guérison. Le parallèle se tient entre le confinement de Socrate et le nôtre, Dimitri Elmure ? C'est une question difficile parce que il y a plein de manières de vivre le confinement d'abord, mais il se tient jusqu'à un certain point justement. Si on essaye de pousser cette première manière de lire le Phédon consistant à dire que le corps dans le Phédon est une prison, ce qu'il faut évidemment nuancer et expliquer, hein, mais dont l'âme par son activité propre va se défaire et se déprendre, en un certain sens on peut dire que notre situation à nous, être humains, est une forme de confinement. Vous voyez, donc notre âme est confinée dans notre corps, pas depuis la naissance au fond. Nous sommes d'éternels confinés, enfin pas d'éternels justement, mais des êtres humains. Être un humain, c'est être confiné dans son corps. Exactement. Et la mort, de ce point de vue-là, est un déconfinement. Donc toute la question du Phédon, c'est du coup, est-ce qu'il faut la rechercher pour se déconfiner ? La réponse est évidemment non, puisque le Phédon, comme vous savez, n'est pas une apologie du suicide, au contraire. Il y a des arguments pour montrer que c'est pas une bonne idée de se suicider. Mais pourtant, ça, le déconfinement a quelque chose à voir avec la philosophie. Voilà. Donc oui, il y a quand même une analogie assez forte, hein, qui est plus que... Je veux dire, qui n'est pas que artificiel. Mais pour cela, il faut tenir une position qu'on appelle une position dualiste, qui est celle de Socrate, oui. Qui est celle de Platon, à savoir qu'il y a l'âme d'un côté et le corps de l'autre, et ça peut donner ce genre de choses. L'âme, elle fonctionne dans mon corps d'une façon bien merveilleuse. Elle y loge, bien sûr, mais elle sait bien s'en échapper. Elle s'en échappe pour voir les choses, à travers les fenêtres de mes yeux. Elle s'en échappe pour rêver quand je dors. Pour survivre quand je meurs. Elle est belle, mon âme, elle est pure, elle est blanche. Et si mon corps boueux, en tout cas pas très propre, vient à la salir, il y aura bien une vertu, il y aura bien une puissance, il y aura bien mille gestes sacrés qui la rétabliront dans sa pureté première. Elle durera longtemps, mon âme, et plus que longtemps, quand mon vieux corps ira pourrir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Michel Foucault, c'était en 1966, qui distingue la pureté de l'âme de son corps pourrissant, pour venir illustrer le dualisme cher à Platon. Platon dont nous parlons aujourd'hui, on est confiné avec les philosophes antiques toute cette semaine, et aujourd'hui avec Socrate en prison et Platon qui raconte la mort de Socrate dans le dialogue Le Phédon. Avant d'entendre un autre texte du Phédon, Dimitri Elmure, est-ce que cette dimension un peu manichéenne quand même, l'âme pure et éternelle et le corps pourrissant comme tombeau de l'âme, est-ce que c'est quelque chose qui est réducteur par rapport à la position de Platon, ou est-ce que c'est vraiment le parti pris philosophique de Platon ? Non, vous avez raison, c'est complètement réducteur. C'est complètement réducteur, et le Phédon, c'est justement ça. Il faut arriver à lire ce dialogue en le prenant au sérieux comme n'étant pas cette espèce de critique du corps qu'on a voulu y voir pendant pendant des centaines d'années d'exégèse. Il n'y a pas de critique du corps. Il y a de la part de Platon, évidemment, un dualisme. Ça, il y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que le corps et l'âme ne sont pas n'ont pas la même nature. Très bien. Bon. Alors après, la question de la nature de l'âme est une question compliquée chez Platon, sur lequel il est toujours subtil, il utilise le mot hypothétique, le probable, etc., etc. Donc c'est pas évident. Mais en tout cas, la différence entre les deux est claire. Elle est aussi claire que celle qu'il y a entre le devenir d'un côté et l'être. Donc, c'est un vrai dualisme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, ce dualisme-là, et c'est ça qu'explique le Phédon, n'est pas tout simplement, ou je dirais presque tout naïvement, une sorte de partage axiologique. Il y a le bien d'un côté, l'âme pure, et puis le mal de l'autre, le corps. Pour la simple raison que Platon est parfaitement au courant que une âme, c'est aussi une âme dans un corps, que notre corps, il a ses fonctions, notamment aussi de préserver notre âme, de nous nourrir, de nous permettre de nous mouvoir, etc., etc. Et que tout ça, il y a pas grand-chose à en dire du point de vue de la valeur. C'est juste un fait. Après, ça dépend comment on vit. Et vivre selon le corps ou vivre selon l'âme, c'est pas la même vie. Mmh. Mais ça implique une conception de la philosophie. Est-ce que philosopher, ce serait apprendre à séparer justement l'âme du corps? Exactement. C'est ce que dit Socrate au tout début du Phédon, hein, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Évidemment, ça, tout le monde connaît cette phrase parce que Montaigne l'a reprise et que du coup, elle est devenue extrêmement célèbre. Mais c'est dans le Phédon qu'elle se trouve. Et au fond, toute la première grande partie du Phédon, ça sert à expliquer ça, ce qui est évidemment pas évident, parce que si vous dites philosophie, c'est apprendre à mourir, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'impression que la philosophie est une apologie du suicide. Mmh. Évidemment, c'est pas le cas. Hein. Et d'ailleurs, Socrate en est la preuve vivante. Hein. Je veux dire, il a attendu patiemment sa condamnation, etc. Donc, philosophie, c'est pas apprendre à mourir au ce sens-là. Mais apprendre à mourir, ça veut dire, au fond, apprendre à vivre. C'est-à-dire apprendre à vivre d'une certaine manière. Hein, en mettant la vie sous une certaine perspective, avec un certain type de désir. Et c'est ça que ça veut dire. Et du coup, effectivement, de ce point de vue-là, la philosophie, comme la mort, est un exercice de déliaison de l'âme et du corps. Donc, une mort. Vous avez prononcé le terme de déliaison. Je vous propose qu'on écoute le texte du Phédon, hein, l'extrait qui parle justement de déliaison. La déliaison comme étant la modalité selon laquelle le corps et l'âme pourraient se séparer dans la mort. Alors comment vivre cette déliaison, non seulement le plus sereinement possible, mais peut-être arriver à la souhaiter sans forcément souhaiter mourir. Écoutez le texte. C'est une chose que connaissent bien ceux qui aspirent à apprendre. Au moment où la philosophie a pris possession de leur âme, elle était, cette âme, tout bonnement enchaînée à l'intérieur d'un corps, agrippée à lui, contrainte aussi d'examiner tous les êtres à travers lui comme à travers les barreaux d'une prison, au lieu de le faire elle-même et par elle seule, vautrée enfin dans l'ignorance la plus totale. Or, la philosophie le discerne bien. Ce qu'il y a de plus terrible dans cet emprisonnement, c'est qu'il est l'œuvre de l'appétit, de sorte que c'est l'enchaîné lui-même qui coopère de la manière la plus efficace à parfaire son état d'enchaîné. Je répète, ceux qui aiment à apprendre savent bien que, au moment où la philosophie a pris possession de leur âme, elle se trouvait dans l'état que j'ai dit. Aussi, la philosophie lui adresse-t-elle des paroles qui la calment. Et elle entreprend de la délier. Elle lui montre que la démarche consistant à examiner une chose au moyen de la vue est toute remplie d'illusions. Aussi celle qui se sert des oreilles ou de n'importe quel autre sens. Elle persuade l'âme de prendre ses distances, dans la mesure où il n'est pas absolument indispensable de recourir aux sens. Elle l'invite à se rassembler et à se ramasser elle-même en elle-même, à ne se fier à rien d'autre qu'à elle-même, quel que soit, en lui-même et par lui-même, celui des êtres dont l'âme, en elle-même et par elle-même, cherche à avoir l'intelligence. Pourquoi ai-je la certitude que j'aime Charles ? Hein ? Comment puis-je en être absolument sûre ? Quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de quelque chose de déjà connu. Alors comment tu expliques ça, sinon parce que nous nous sommes déjà vus dans une vie antérieure? Arrête, Félicie, tu me tues. Mais c'est pas des conneries? Non, là encore, tu as la science infuse. Ah, mais ce n'est plus Pascal. Victor Hugo? Non. Platon. Ah, il manquait celui-là. Et alors, tu vois, il croyait à la réincarnation, lui aussi. Oui et non. Enfin, c'est une autre histoire. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il raisonne exactement comme toi pour prouver l'immortalité de l'âme. Et c'est ce qu'on appelle l'argument de la réminiscence. Et alors, tu n'es pas d'accord? Ah, j'ai pas la religion des Grecs. Et Platon, d'ailleurs, ne l'avait peut-être pas non plus. Et oui, il n'y a pas que dans les films d'Éric Rohmer hein, qu'on parle de Platon. On va prendre place à côté de Loïc et de Félicie avec vous, Dimitri Elmur, pour essayer de comprendre ce texte. Alors, le lien avec la réminiscence, il peut paraître évident. On essaiera de l'expliquer dans un instant. Revenons d'abord sur ce texte incroyable que l'on vient d'entendre. On a la description d'une âme qui est enchaînée à l'intérieur d'un corps, dit-il, agrippée à lui. Il y a ce terme d'appétit. Elle veut être enchaînée à ce corps. Ouais. Et la philosophie va venir délier l'âme du corps. Pourquoi ce terme de déliaison et non pas séparation ou libération? Alors, en grec, c'est lucis. Vous savez, c'est comme la... C'est aussi la solution à des problèmes. On emploie le même terme pour dire solution, vous voyez. Donc, il y a quelque chose comme décomplexification et résolution. Ouais. Voilà. Alors après, pourquoi ce terme-là? Parce qu'au fond, disons que la modalité de déliaison de la philosophie est directement dépendante de la modalité de liaison de l'âme et au corps, de l'âme et du corps. Or, la manière dont Platon comprend le rapport entre l'âme et le corps, c'est sur le modèle du lien. C'est-à-dire de deux choses nouées, enchevêtrées l'une à l'autre. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est une déliaison. Mais vous avez raison de dire que ce texte il est extraordinaire. Et d'ailleurs il répond en partie à la question que vous me posiez avant sur justement la place du corps dans la philosophie de Platon. Ce que ce texte permet de voir, c'est que au fond, est-ce qu'on est confiné dans nos corps parce que la vie est une le corps est une prison, la vie est une punition? Ce texte nous permet de répondre que non, parce que au fond, ce qui est responsable de ce que nous sommes, hein, c'est-à-dire de la façon dont nous vivons, c'est l'âme. C'est un texte qui parle que de l'âme. Et comme vous le disiez justement, la geôlière du corps, c'est l'âme. Puisque c'est l'âme qui, selon la vie qu'elle mène, va travailler à enchaîner toujours plus le corps, à renforcer le lien de l'âme et du corps au lieu de le délier. Hein. Donc il y a un lien de fait qui tient à notre condition d'individu incarné. Bon, voilà. Mais la manière dont on vit ce lien, évidemment, est plurielle. Et on vit des vies différentes selon la façon dont on agit sur ce lien. Si on agit en le déliant, hein, alors effectivement on apprend à mourir, mais aussi on philosophe. Et c'est ça qui est, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais ça reste peut-être très abstrait, et finalement qu'est-ce que c'est que se délier? Parce que ce passage dit, c'est pour ça que je le trouve extraordinaire moi aussi, c'est qu'en fait il nous dit que nous délier, c'est réorienter notre désir. C'est faire de la philosophie, bien sûr, hein, et on pourrait préciser ce qu'il faut entendre par là, mais c'est aussi réorienter notre désir au sens où l'âme justement est la geôlière du corps parce que elle désire un certain nombre de choses qui là ne font que la réattacher au corps. Si on réoriente les objets de nos désirs pour désirer autre chose, ce que Platon appelle des intelligibles, hein, on pourrait appeler, disons, pour faire simplement la vérité et les choses qui ne dépendent pas, justement, qui ne sont pas de l'ordre de la richesse, des honneurs, de la gloire, du pouvoir, etc. Si on désire ces choses-là, alors on se délie. Donc là, la déliaison, c'est dépend avant tout de la façon dont on réoriente notre désir vers des objets réels, et cette réorientation, c'est la philosophie. Oui, au fond, la déliaison, c'est l'âme qui applique des gestes barrières à l'égard du corps. Elle prend ses distances, c'est ce que dit Platon. Exactement, elle prend ses distances. Mais vous voyez, prendre ses distances, c'est pas nécessairement condamner, c'est pas nécessairement dire que le corps c'est mal, puisque au fond, la responsabilité incombe à l'âme. C'est ça que dit ce texte. C'est pour ça que je vous disais que je pense qu'il y a une réponse très forte à la soi-disant condamnation platonicienne du corps. Non, c'est nous, en tant qu'âme, qui décidons de la vie que nous menons. Et si on décide de mener une vie dans laquelle enfin, guidée par des valeurs qui ressortissent à l'ordre du corps. Platon comprend, je le disais, richesse, honneur, gloire, pouvoir, etc. Alors, effectivement, on choisit une vie, mais c'est l'âme qui l'a choisie. Hein. C'est pas le corps qui, en nous, choisit pour nous. Oui, mais il y a quand même l'idée qu'il vaut mieux désirer les intelligibles que le corps de la personne qu'on désire, que le corps de son amant. C'est étonnant quand même, même si on introduit toutes les nuances que ce que vous êtes en train de faire, Dimitri Elmure, mais de voir cette dépréciation du corps, parce qu'on est quand même plusieurs siècles avant le christianisme, qui là, pour le coup, va vraiment entériner cette distinction entre l'âme et le corps sera d'emblée pécheur et d'emblée mauvais. Oui. Là, on n'est pas dans la même ambiance. Et pourtant, ce dualisme-là platonicien, il va irriguer toute l'histoire de la philosophie. Et encore aujourd'hui, on dit que la philosophie, c'est du côté de l'âme et que le corps est un obstacle pour penser. Il y aurait quand même une manière de retourner les choses et de faire du corps un allié et pas un obstacle, même quand on philosophe, non? C'est vrai, je vous l'accorde, et il ne s'agit pas de faire de Platon un empiriste, ou c'est pas du tout la question, hein, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un donné dans le platonisme, je veux dire le platonisme évidemment, et je dirais même le platonisme de Platon, c'est quand même deux choses un peu différentes, ouais. Platon et le platonisme. Mais vous avez raison, moi je le formulerais un peu différemment, c'est-à-dire que je dirais que Platon, au fond, une des choses qui caractérise le mieux sa manière de voir le monde, c'est de penser que le monde qui nous entoure, le monde qu'on perçoit par nos sens, manque d'intelligibilité. Vous voyez, je le dirais comme ça. C'est-à-dire, il y a un manque. Et ce manque ne peut être comblé que par la position d'une réalité qui est plus réelle, que Platon appelle l'intelligible. Hein. Alors ça, c'est vrai. C'est bien sûr que c'est structurellement quelque chose qui va être développé par le christianisme et qui va mener à tout un ensemble de choses. Ça je vous l'accorde complètement. Mais je dis simplement que c'est trop caricatural d'envisager quand même ça comme une condamnation du corps. Je pense que c'est plutôt une perception par Platon de ce que c'est que l'exigence de penser. Et l'exigence de penser, elle ne se peut pas satisfaire, selon lui, de l'aspect changeant, de l'aspect contradictoire parfois, de la réalité sensible. Voilà. Vous voyez, c'est pas une objection à ce que vous dites, parce que sur le fond, vous avez raison. Mais c'est une nuance que je trouve importante, quand même, la manière de voir, plutôt la façon dont Platon pose le problème. C'est ça. Et c'est exactement le sujet du Phédon, d'ailleurs. Parce que tout le Phédon, Socrate va essayer de prouver l'immortalité de l'âme. Le paradoxe étant que il a beau changer d'argument à chaque fois qu'il change d'interlocuteur, il parvient jamais vraiment à la prouver, cette immortalité, Dimitri Elmure. C'est un désaveu de la philosophie, là. Non, je pense que c'est la compréhension par Platon des limites aussi, des choses qu'on peut prouver, et surtout des limites de la persuasion de certains arguments. Parce qu'au fond, Socrate, lui, il n'a pas besoin d'avoir autant d'arguments pour être absolument persuadé que l'âme est immortelle. Mais visiblement, ses interlocuteurs, si. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, dans le Phédon, c'est que, non seulement pour exercer cette activité de consolation ce dialogue que Socrate développe avec ses disciples au moment de sa mort, bah il faut énormément d'arguments successifs pour réussir à les persuader. Est-ce qu'il y arrive à la fin? C'est pas du tout certain. Mais juste par parenthèse, pour comparer, il y a des dialogues où ça se passe beaucoup mieux. Hein. Par exemple, il y a une démonstration de l'immortalité de l'âme dans le Phèdre à partir de la propriété d'automouvement de l'âme. Elle a pas l'air d'être du tout problématique. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi il y a une forme d'évidence pour Platon qu'il y avait différentes manières de démontrer l'immortalité de l'âme, mais aussi une évidence pour lui que les arguments, aussi puissants soient-ils, ne sont pas toujours persuasifs quand on n'a pas la nature qu'il faut pour les saisir et les comprendre. Je pense que le Phédon dit un peu ça. Oui, c'est ce qui rend ce dialogue absolument bouleversant d'ailleurs, et je renvoie au texte qui a ouvert cette émission, puisque c'est le moment où la philosophie est tellement mise à l'épreuve que finalement on en vient non pas à douter de son utilité et de son efficacité, mais on la met à sa place, c'est-à-dire que elle-même, peut-être elle rend immortelle, mais on n'a aucun moyen de le savoir, et c'est pas si grave, ça ne change pas en retour la conception qu'on se fait de la philosophie ici-bas. Oui, tout à fait, et puis je pense que d'ailleurs au fond, vous parliez de la réminiscence tout à l'heure. On a cette confirmation dans un autre dialogue qui s'appelle le Ménon, où là, on part aussi de la réminiscence. Et une des conséquences de l'argument de la réminiscence, c'est-à-dire qu'il montre qu'on peut apprendre, Hein. Alors peut-être dites-nous ce que c'est que la réminiscence. La réminiscence, c'est l'idée que notre âme, avant l'incarnation dans un corps, a contemplé toutes les réalités intelligibles, et que donc, quand elle s'incarne, elle oublie tout, évidemment, quand elle rentre dans un corps, et que cet arrière-fond mythique nous permet de nous assurer que nous pouvons apprendre, hein, puisque au fond, apprendre n'est que se ressouvenir. Hein. Et dans le Ménon, Socrate illustre cet argument par l'interrogation d'un jeune garçon auquel il fait faire des mathématiques et auquel il fait découvrir, la façon dont on construit un carré d'air double à partir d'un carré donné. Hein, c'est le fameux problème de la duplication du carré, peu importe. Ce qui est intéressant, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que une des conséquences de l'argument, c'est qu'il faut évidemment croire que l'âme est immortelle. C'est ça. Donc, et que, du coup, vous voyez bien que là, sur ce point-là, on cherche même pas à le démontrer. C'est juste qu'effectivement, si on veut pouvoir continuer à apprendre, et on voit bien qu'on peut apprendre, hein, on peut faire des mathématiques, on peut apprendre la grammaire, on peut apprendre la musique, et bien, si on pense vraiment ça, on se rend compte qu'au fond, ça veut dire que bien sûr qu'il faut qu'on croie à l'immortalité de l'âme. Bon, voilà, Platon est quand même très subtil sur ces questions-là, et je dirais très peu dogmatique. Oui, c'est souvent le reproche qu'on lui fait, c'est pour ça que vous le dites. Oui, moi je trouve ça plutôt une qualité, c'est-à-dire que je trouve ça un peu dommage de lui reprocher, et je trouve au contraire que c'est un des aspects absolument extraordinaires de sa philosophie que d'adapter ses arguments à ceux qui les reçoivent, et d'être conscient de la résistance de certains arguments par rapport à certaines natures d'interlocuteurs. Et ça, c'est évidemment la forme du dialogue qui lui permet ça. Oui. Ça, c'est quand même c'est une prodigieuse machine à philosopher de pouvoir écrire comme ça. Eh ben, c'est justement ce qui se passe dans le troisième texte qu'on va entendre ensemble, Dimitri Ilmur. Il s'adresse à Simias. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce texte avant qu'on l'entende? Ah, c'est le texte sur le chant du cygne. Oui. C'est évidemment un texte là encore magnifique. Hein. C'est vrai que le très très beau choix de texte. C'est pas difficile dans le Phédon. Hein. Ils sont tous beaux, mais ceux-là sont particulièrement beaux. Ils sont très beaux. Ouais. Ce texte-là, d'abord il a quelque chose d'un peu et presque, je dirais, fort pour nous, puisque de là, ou de l'image qui est derrière ce texte, vient l'expression « chant du cygne », c'est-à-dire le fait que quelqu'un, avant sa mort, réalise une œuvre particulièrement belle. Voilà. Après, cet autre texte, ce dernier texte, je le trouve fascinant, parce qu'il dit aussi quelque chose du rapport de Socrate à la divination. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu troublant. Oui, ben voilà. je suis d'accord avec vous. Alors, écoutons le texte et puis ensuite on reparlera de ce rapport à la divination. Oh là là, Simias, quel mal j'aurais à persuader les autres hommes que je ne tiens pas mon sort présent pour un malheur, si en vérité, même vous, je suis impuissant à vous persuader. Voilà que vous me soupçonnez d'avoir en ce moment un caractère plus difficile que celui que j'ai eu tout au long de ma vie. À ce qu'il me semble, je ne vous parais pas valoir les signes pour ce qui est de la divination. Car eux, dès qu'ils sentent qu'il leur faut mourir, le chant qu'ils chantaient déjà auparavant, ils le chantent alors de façon plus fréquente et plus éclatante, tout à la joie d'aller retrouver le Dieu qu'ils servent. Mais les humains, à cause de la peur qu'ils ont de la mort, calomnient même les signes, disant ils se lamentent sur leur mort, c'est la douleur qui inspire leur dernier chant. Sans réfléchir qu'aucun oiseau ne chante quand il a faim, quand il a froid. Le rossignol, ni l'hirondelle, ni la huppe, eux dont le chant serait, à ce qu'on raconte, une lamentation inspirée par la souffrance. Mais pour moi, il me paraît que ce n'est pas la souffrance qui les fait chanter. Ni eux, ni les cygnes, qui sont, que je sache, les oiseaux d'Apollon et possèdent donc le don de la divination. C'est la prescience des biens qu'ils trouveront chez Hadès, qui les fait chanter et se réjouir ce jour-là, bien plus que jamais auparavant. Or, j'estime justement que je partage avec les cygnes le même service et que je suis consacré au même Dieu. Je ne pense pas être plus mauvais devin qu'eux, car c'est du maître que je tiens ce don. Et je n'éprouve pas plus d'amertume qu'eux à me séparer de la vie. Le chant du cygne, C-Y-G-N-E, bien sûr, sur France Culture, les chemins de la philosophie, dans ce texte où l'on entend Socrate s'adresser à Simias. Socrate, qui est ici interprété par le comédien Daniel Mesguich, qui a lu les textes pour nous cette semaine, et que je remercie d'incarner aussi bien ce Socrate. Dimitri Elmure, que faut-il en tirer comme conclusion? Que Socrate serait lui-même un cygne, ou que les humains que nous sommes ne parvenons pas à comprendre la mort de Socrate, ou comme nous nous trompons sur ce chant du cygne, dont on croit que c'est un chant de souffrance au moment de mourir, alors que Socrate le dit bien, en fait, aucun animal ne chante au moment de mourir, il chante justement parce qu'il a envie. Et je pense qu'il faut exactement comprendre, il faut penser les deux. Ah. Vous avez, mais c'est-à-dire que les deux sont parfaitement compatibles, c'est-à-dire qu'à la fois ce texte, c'est pour ça qu'il est fascinant, dit quelque chose sur notre point de vue sur la mort et donc la nécessité de le changer. L'imminence de la mort ne peut être comprise par nous que comme une souffrance et un malheur. On devrait justement changer de point de vue là-dessus. Et puis deuxièmement, Socrate, lui, est un cygne parce que précisément, il n'a pas ce point de vue-là. Hein. Et donc, il nous convainc aussi de la nécessité de le changer en nous donnant l'exemple dans le Phédon de du genre de chant qu'un philosophe fait à l'approche de la mort. Et le genre de chant qu'un philosophe fait à l'approche de la mort, c'est le Phédon, et le Phédon est une consolation. C'est ça que je trouve fantastique, c'est que qui c'est qui pleure dans le Phédon? C'est les disciples, c'est Xanthippe que Socrate va faire sortir, c'est Phédon, c'est Apollodore qui pleure plus que les autres, c'est tous ces disciples-là que Socrate passe son temps à réconforter, alors que c'est lui qui meurt. Donc je pense que c'est les deux. Vous voyez, c'est Socrate est un cygne, et en même temps, il nous invite justement à changer de conception de la mort et à faire un petit peu comme les cygnes. Mais prenons-le au sérieux un moment, Dimitri Elmure. J'imagine que vous le faites tous les jours quand même, parce que vous passez du temps avec lui, avec Platon et avec cette thèse-là. Est-ce que vous croyez vraiment que philosopher peut apprendre à mourir? C'est une question un petit peu compliquée parce que quand la manière dont vous la posez, je vous la pose parce que je me la pose et j'ai toujours répondu par la négative. Je ne crois pas du tout que lire un texte de philosophie ou pratiquer de la philosophie permet d'apprendre à mourir. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je conçois votre résistance que je trouve tout à fait légitime. Je répondrais moins que, évidemment, tout dépend de ce qu'on comprend par apprendre à mourir. Et selon moi, apprendre à mourir, c'est ça qu'explique le Phédon, ça veut dire apprendre à vivre. C'est ça, au fond, l'idée. Mourir, c'est délier son âme de son corps. Mais délier son âme de son corps, c'est pas, encore une fois, se suicider. Puisque ça serait l'exemple, voilà. Et ça, c'est prohibé. Donc, délier son âme de son corps, c'est mener une certaine vie sur le modèle ou sous le régime de la déliaison. Et ce régime-là, effectivement, il est dur à conquérir, parce que, c'est ce que j'essaie de vous dire, il exige une réorientation complète du désir. Et cette réorientation complète du désir, c'est elle qui vous permet de voir la mort autrement. Et c'est ça que les disciples de Socrate n'arrivent pas à faire. Et vous disiez très justement, il y a quand même beaucoup d'arguments sur l'immortalité de l'âme, mais ils n'ont pas l'air très convaincus. Oui. C'est justement qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas accompli le chemin que Socrate, lui, a accompli. C'est pour ça que lui seul peut faire un véritable chant du cygne. Hein. Donc oui, je pense que philosopher, c'est apprendre à mourir dans ce sens-là, au sens où c'est apprendre à vivre une certaine vie. Oui, donc philosopher, c'est apprendre à mourir, ça veut dire philosopher, c'est apprendre que la vie est finie, donc que nous sommes mortels, et apprendre à vivre avec cette vérité-là. Ça veut dire aussi que ce n'est pas donné à tout le monde, et ça, pour le coup, le reste du texte, des textes de Platon nous le dit bien, hein. Je renvoie justement à la fameuse allégorie de la caverne, dans laquelle nous sommes tous, c'est notre lot commun, nous sommes tous prisonniers de cette caverne. Le philosophe est celui qui va pouvoir en sortir et qui va ensuite retourner dans la caverne pour nous enseigner justement l'art du déconfinement, on pourrait le dire ainsi. Mais ça veut dire quand même que donc ça concerne très très peu de personnes, parce qu'il suffit pas de philosopher pour être déconfiné, pour être Socrate. En fait, il y a que Socrate qui est vraiment philosophe, qui est vraiment déconfiné. J'ai même envie de rendre le problème encore plus compliqué. Est-ce que même Socrate est philosophe? Ou est-ce qu'il, je vais le dire autrement, Socrate est très certainement philosophe, mais il ne l'est pas nécessairement au même sens que le sont les philosophes rois, l'ensemble de l'argument de la République, dont l'ensemble de l'argument de la République cherche à nous montrer la construction. Oui, c'est vrai. Vous voyez, donc c'est comme s'il y avait au fond, je le dis un peu d'une formule qui a toutes ses limites, hein, qui est comme toutes les formules. Socrate, il est complètement philosophe, au sens où il est traversé par la philosophie et il l'incarne, alors que les philosophes rois de la République sont parfaitement philosophes. Mm-hmm. Vous voyez, au sens où ils ont été produits, créés, fictivement évidemment, par Socrate pour remplir cette fonction. Mais ces deux régimes-là sont pas superposables. Donc ça rend encore plus compliqué votre question. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai que Platon n'est pas un philosophe qui pense que la philosophie c'est fait pour tout le monde. Oui. Ça nous paraît assez choquant, hein, et je comprends que ça le soit, mais il a une conception de la philosophie tellement exigeante que même si elle est en droit possible pour chacun de nous, hein, c'est ça que montrent des arguments comme la réminiscence dont on parlait, la possibilité d'apprendre, etc., le fait que des esclaves, des femmes, etc., puissent être philosophes, hein, ça il est tout à fait ouvert sur cette question-là. Mais ceci dit, il est tellement exigeant sur ce que ça signifie au fond, de, comme vous disiez, de se déconfiner par la philosophie, que il est bien évident que tout le monde n'y prendra pas part. Mais et c'est, vous trouvez pas ça décourageant? C'est une pensée que, comment dire, qui est marquée par un certain aristocratisme, oui, c'est vrai, bien sûr. Décourageant, je sais pas. Je sais pas parce que, vous savez, c'est comme quand on dit, c'est comme quand on étudie par exemple les stoïciens, vous en parlerez sûrement cette semaine, et qu'on dit, ah, mais les stoïciens, ils arrêtent pas, voilà, ils disent le philosophe, seul le sage est ceci, seul le sage est cela, etc. Puis après, ils disent, oui, mais on sait pas très très bien si le sage existe. Bon, si vous voulez, il y a quand même aussi cette idée-là. C'est pas parce qu'on crée ou on produit un idéal type ou une norme qu'évidemment, et qu'on dit cette norme est très très peu accessible, voire quasi inaccessible, que tout ce qu'on a mis en œuvre pour la créer, pour la déterminer, pour nous montrer l'écart qui existe entre elle et nous, est inutile d'un point de vue philosophique. Donc je m'en sors comme ça. Et j'imagine que vous n'avez pas toujours la même position selon les jours d'ailleurs à ce sujet, mais vous parlez d'idéal et de normes, justement c'est le point qu'on avait soulevé au sujet du texte sur le champ du cygne, sur la divination, parce qu'au fond dans ce texte-là on a l'impression que c'est la divination pardon qui l'aide plus que la philosophie. Il y a comme une impuissance de la philosophie, comme si finalement non seulement il fallait postuler un idéal, une norme parfaite, vers laquelle on tendrait sans forcément l'atteindre, et bien de même, finalement, on postule l'existence de Dieu, de la divination, comme étant la solution au problème que l'on nomme et qu'on parvient pas à résoudre. Oui, il y a un pari. Oui, c'est clair qu'il y a aussi un pari. Comme de la même manière qu'il y a un pari à la fin de l'Apologie de Socrate, où il dit, je préfère continuer à faire ce que je fais et mourir parce que dans l'Hadès j'ai espoir que je pourrais continuer à philosopher plutôt que d'arrêter de philosopher et vivre à Athènes sans pouvoir faire ce que je fais. C'est bien sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Par ailleurs, il y a quand même une certaine dignité de la divination aussi chez Platon. C'est ça qui est un petit peu troublant. C'est-à-dire que la divination, évidemment, c'est pas la philosophie, mais quand même, quand on lit le Phèdre, on se rend compte que la divination, c'est une des quatre formes de délire divin. C'est-à-dire de prise de possession de l'âme qui nous amène quand même à toucher la réalité. La meilleure forme de délire divin étant, évidemment, je ne vous surprendrai pas, le délire amoureux ou érotique, c'est-à-dire la philosophie. Mais la divination en est un. Voilà. Et donc je trouve intéressant qu'évidemment elle soit convoquée ici par le rapprochement entre Socrate et les cygnes, justement. Et de ce point de vue-là, Socrate nous transmet aussi un message qui est d'un autre ordre. C'est d'ailleurs comme ça, si je peux faire juste une parenthèse, je vous en prie. Pour boucler la boucle, c'est aussi comme ça que je pense qu'il faut comprendre le dernier mot du Phédon. C'est le fameux coq à Esculape, oui, dont on parlait au tout début. Je pense que le pouvoir divinatoire de Socrate, il est aussi marqué par cette allusion, puisque comme je vous le disais, à mon avis, c'est une allusion de Socrate à Platon, c'est-à-dire à la guérison de Platon, et donc au fait que l'héritage intellectuel du socratisme, c'est Platon. Alors, dans quelle mesure ces textes écrits il y a si longtemps ont encore un écho aujourd'hui? Ben, on essaie de le voir depuis le début de cette émission, Dimitri Elmure, mais je vous propose qu'on prenne un cas vraiment particulier pour terminer notre discussion. On peut lire, il y a une manière de lire le dualisme platonicien comme étant une entreprise de dématérialisation, en misant tout sur l'âme dont on postule qu'elle serait éternelle. Ça fait beaucoup de paris, mais c'est aussi ça le fond de la philosophie de Platon, vous l'avez bien montré. Est-ce que ça veut dire que cette dématérialisation prendrait la forme de ce qu'aujourd'hui on appelle la numérisation? Et jusqu'où est-ce qu'on pourrait numériser notre âme, par exemple? Écoutez cet extrait de Years and Years, une série télévisée, c'est le premier épisode. Écoutez, c'est glaçant. Je crois que je suis mal dans ma peau. Et ça fait très longtemps. Ah, on le sait. Je me suis dit que sûrement depuis ma naissance, je n'étais pas bien dans ce corps. Oh, merde. Ça va aller. Je t'assure que tout va bien, chérie. J'ai lu plein de trucs qui en parlent. Et je crois que je suis trans. Oh, mon cœur. Oh, tout va bien, ma chérie. Je te le jure. Oui, c'est vrai. Nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement fort. Nous t'aimerons toujours. Et si on doit se retrouver avec un adorable fils au lieu d'une adorable fille, eh bien, on sera quand même heureux. Non. Non, je suis pas transsexuelle. J'ai dit que j'étais mal dans ma peau et dans mon corps. Alors je veux m'en débarrasser. Ce truc, cette chose avec des membres et tout ce qui peut aller avec. Je veux pas être faite de chair. Je suis désolée, mais je vais m'échapper de ce machin. Et devenir numérique. Comment ça? Il paraît que bientôt, il y aura des cliniques en Suisse où tu pourras aller et tu vas signer un formulaire et ils prendront ton cerveau pour le télécharger. Dans le cloud. Que devient ton corps? Recyclé. Dans la terre. Donc ce que tu veux, c'est te suicider. Je veux vivre pour toujours. En être virtuel. Parce que c'est ça les transhumains, maman. Plus de masculin, ni de féminin. Mais mieux que ça. Moi, là où je vais, il n'y a ni vie ni mort, il y a seulement des données. Je me transformerai en données. Alors, Dimitri Elmure, est-ce que vous pensez que la numérisation de son cerveau serait, pour Platon, l'avenir de la déliaison de l'âme et du corps? Surtout pas. Surtout pas. Non, mais je vais essayer de vous donner un argument philosophique, ouais, pour vous en convaincre. L'argument serait le suivant. Je pense que quand Platon parle, alors ça, c'est aussi un problème hyper fort dans le Phédon et assez compliqué. Quand il parle de la survivance de l'âme, il y a toujours une sorte de flottement entre la survivance de l'âme en tant que principe et la survivance de l'âme personnelle, de l'âme de l'identité personnelle, de l'âme de Dimitri Elmure, Adèle Vendrette, etc. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Et vous voyez bien que ces deux, les contraintes argumentatives pour démontrer l'une et l'autre sont pas les mêmes. On peut démontrer la survivance de l'âme, mais démontrer la survivance de Adèle Vendrette, Dimitri Elmure, etc., ça, c'est une autre question. Et au fond, moi je pense que Platon pense que l'individu X ou Y, il n'existe que dans un corps. C'est ça. Quand ce qui persiste au fond de l'âme, là c'est peut-être une autre question et je suis pas du tout certain que Platon pense que ça soit quelque chose de personnel. Donc vous voyez, ça répondrait à la question et ça rendrait tout à fait impossible ce que propose cette jeune fille dans l'exemple, qui est de se débarrasser de son corps et de rester un soi tout en étant numérique. C'est pas du tout sûr, ouais, qu'il y ait un soi ou un soi-même hors d'un corps. Mais ça, c'est très important ce que vous dites, cette distinction entre la permanence de l'âme et le caractère fugitif de l'identité personnelle, parce que ça veut dire que même si on postule l'immortalité de l'âme, ça ne veut pas dire que nous allons rester en vie. L'âme va rester en vie, mais ça nous fait une belle jambe si nous-mêmes en tant qu'individus, nous n'existons pas. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que peut-être que le Phédon ne répond pas à cette question. Ouais. C'est pour ça que peut-être que Socrate n'arrive pas à convaincre ses interlocuteurs. Parce que ce que je veux savoir, moi, quand je pose la question de l'immortalité de l'âme, c'est l'immortalité de mon âme. Exactement. Mais est-ce que Platon démontre l'immortalité de mon âme? Non, mais est-ce que ça l'intéresse de démontrer l'immortalité de mon âme? Est-ce que c'est intéressant philosophiquement de savoir si moi, individu, je persiste? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça pour un philosophe comme Platon, parce qu'au fond, je me demande aussi s'il n'a pas une conception tout à fait différente de l'identité personnelle. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, l'âme en moi, ce qui est vraiment, vraiment mon âme au sens fort, c'est la part d'universel en moi. Mm-hmm. C'est-à-dire, au fond, la rationalité. Ce que Platon appelle la part divine de l'âme, le nous. Mais ce nous, en quoi il est personnel? C'est pas du tout évident qu'il soit personnel. Oui, on pourrait donc même... C'est aller... compliqué. Ouais. Oui, apprendre à philosopher, c'est aussi apprendre à se défaire de notre propre individualité. C'est aussi apprendre à se défaire de nos particularités. On le dit, exactement. Et les profs en terminale le disent bien, c'est dans une dissertation, c'est pas son opinion qui compte, c'est le raisonnement, justement, et apprendre à ne pas, ne pas toujours contextualiser la pensée dans son propre corps, dans son propre caractère, pour essayer d'atteindre, justement, la rationalité qui, elle, serait universelle. C'est comme ça qu'on peut le dire. Tout à fait. Et c'est ça, ce délier. Au fond, si vous voulez, ben, c'est une manière de dire que ça veut dire ça, délier son âme de son corps. Et ça, c'est quand même une activité philosophique essentielle qui, bien sûr, se rapproche analogiquement de la mort, mais qui est une certaine manière de vivre, hein, de vivre sous le régime de l'universel. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose que la philosophie de Platon gardait encore de très vivant. Et ça, vous arrivez à le transmettre à vos étudiants aujourd'hui ? Vous voulez dire par Zoom ? C'est un peu plus difficile. Époque dématérialisée, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Non, j'espère et j'essaye, ou j'essaye et j'espère, sachant que effectivement, c'est tellement plus facile à transmettre quand on a justement une parole vivante, que on a la perception de leur résistance, de leur incompréhension, de leurs objections, et pas simplement des petites questions dans le chat ou des petits écrans sur un gros écran d'ordinateur. Et oui, j'essaye. Merci beaucoup, Dimitri Elmure, en tout cas, de vous être prêté au jeu de cette émission, même à distance. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous ce matin. On mettra en ligne sur la page des Chemins de la philosophie votre bibliographie, hein, Savoir et gouverner, c'est sur la science politique platonicienne aux éditions Vrin. Vous avez collaboré à l'ouvrage Le politique du Platon aux éditions Vrin toujours. La mesure du savoir, étude sur le tête de Platon toujours aux éditions Vrin. Bref, tous vos ouvrages seront en ligne. On se quitte avec une chanson qui va reprendre ce que dit Platon, ou peut-être le malentendu qu'il y a autour du dualisme de Platon. My body is a cage, c'est Arcade Fire. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but the clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. You're standing next to me, my mind holds a key. I'm living in an age that calls darkness light, though de Socrate à Arcade Fire jusqu'à Aurélien Bélanger. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. C'est l'heure de la question philo. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous êtes avec nous comme chaque matin depuis chez vous pour votre question du jour. La voici, elle est provocante. Les milliardaires sont-ils les nouveaux pauvres ? Mais pire encore que pauvre, prolétaire. Ce qui signifie prolétaire, étymologiquement, qui ne possède que leurs enfants. Et comment ne pas repenser avec émotion à Arnaud Lagardère, l'enfant unique le plus mélancolique du capitalisme français, abandonné dans sa chambre d'enfant avec tous les jouets de sa commandite, une radio, quelques journaux et des livres, lui dont le père, obsédé par l'idée d'héritage, relisait sans fin le mémoire de Louis XIV pour l'instruction du dauphin. Ce fils se montrait-il à la hauteur ou bien livrerait-il Versailles aux révolutionnaires et ses relais à LVMH? On sait qu'à la fin de sa vie, comme les rois dont on embaumait les organes, le vieil industriel rêvait de cœur artificiel et la légende dit qu'il serait mort d'une maladie contractée après la pose d'une prothèse de hanche. Et c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'émouvoir pour le sort des ouvriers de Matra à Romorantin, mais je pourrais pleurer en pensant à Jean-Luc Lagardère. Sa solitude, son impréparation à la mort, son dénuement métaphysique me touchent. Mais il existe quand même plus à plaindre et plus misérable que lui, non ? Ben alors ça serait donc quelqu'un qui serait encore en dessous de prolétaire, quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant ou à qui son enfant serait confisqué dès la naissance. Ainsi, le fils d'Elon Musk, autre grand nom de l'aéronautique, n'a même pas de nom. Il s'appelle XAEA12. Même les Tesla ont des noms plus jolis. C'est comme si son père, passionné d'exploration spatiale, avait déjà prévu que le destin de son fils serait d'être un colon anonyme sur la planète Mars. On a vu des milliardaires déshériter leurs enfants pour leur apprendre le dur métier de self-made man, mais jamais un père n'était allé aussi loin dans ses projets éducatifs spartiates. XAEA12 n'héritera même pas de l'atmosphère terrestre et devra fendre la roche pour y trouver son oxygène. Oui, on est bien loin du temps des précepteurs et des pensionnats suisses. Oui, et c'est justement étonnant comment la pédagogie prend ici un tournant survivaliste. Il ne s'agit plus de faire ses humanités, il s'agit de survivre à la fin de l'humanité. Il a été souvent remarqué que les parents de la Silicon Valley étaient particulièrement sévères pour tout ce qui concernait l'accès de leur progéniture aux écrans. Là-bas, l'éducation idéale, ce serait tableau noir, récitation et encre de Chine. Mais plus généralement, et les rêves spatiaux des milliardaires d'aujourd'hui le démontrent, les ultra-riches se fantasment en ultra-pauvres. Mais les fusées, est-ce que c'est pas après les yachts, les signes ultimes de richesse ? Mais je crois qu'elle dissimule plutôt un rêve de pauvreté ultime, inconfortable, étroite, et destinée à passer d'une planète très agréable aux confins les plus inhospitaliers du système solaire. Ces fusées me font plutôt penser aux colonnes au sommet desquelles s'accroupissaient, au milieu du désert, les anciens stylites. Et suivant cette impulsion spirituelle venue d'en haut, les grandes sociétés de la tech se rêvent comme des ermitages. L'infinite loop d'Apple n'est rien d'autre qu'un cloître avec son jardin intérieur, et les abbés de ce monachisme nouveau, aussi immensément riches que les abbés d'autrefois, pratiquent encore la charité à une échelle industrielle. Bill Gates se rêve naturellement en mère Teresa. Donc pour vous Aurélien, ça ne fait aucun doute, les milliardaires se prennent pour des pauvres. Des pauvres authentiques, oui, pas des miséreux. De ceux dont on suppose qu'ils ont trouvé dans la simplicité le secret du bonheur. La pauvreté serait ainsi devenue le luxe suprême, l'idéal ascétique de ces vies. Jeff Bezos finira un jour par remonter l'Amazon, Mark Zuckerberg par se filmer en Facebook Live dans sa cuisine, et Arnaud Lagardère par revendre tous ses jouets, par les revendre aux pauvres, les vrais, ceux du bon coin, ces imbéciles tout droit sortis de l'ancien monde qui, au lieu de savourer leur bonheur, surconsomment et polluent, et oblige les riches à déserter cette terre. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci, un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui continue chaque jour confinée à m'aider pour préparer cette émission, qui rend cette émission possible. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff en compagnie de Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Edouard Rubinstein. À la lecture des textes, Daniel Mesguich. On se retrouve demain pour la suite de notre confinement avec les philosophes antiques après Platon ce matin. Demain, ce sera Plotin. Pour réussir son confinement intérieur, demandez Plotin. Ce sera Laurent Lavaux qui viendra vous en parler. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant l'application Radio France. Elle vous permet d'écouter les émissions en direct, mais aussi de les télécharger, de les podcaster. C'est très simple. Ça marche. Et oui, et vous verrez, ça changera votre manière d'écouter la radio. Vous pouvez évidemment toujours continuer à nous écouter en direct. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.